Alors, reprenons. Comment dit-on soir? Sera. Sera, oui. Il y a aussi, comme en français, un mot qui équivaut à la soirée, quand on veut insister sur la durée. Ce mot, c'est serata. S-E-R-A-T-A. La serata. Rappelle-moi la traduction de passer. Passare. Passare, oui. Et donc, comment dites-vous « je vais passer la soirée » Passerò. Oui. Passerò la serata. Bien. Passerò la serata. Et comment diriez-vous « je passerai une soirée agréable » La traduction de « agréable » est « piacevole ». Piacevole. On retrouve la même racine que dans piacere ou mi piace, j'aime, ça me plaît, ça m'est agréable. Alors, allez-y, dites je passerai une soirée agréable. Passerò una serata piacevole. Voilà, passerò una serata piacevole. Donc, on a la même différence en français et en italien entre soir et soirée. Le soir, la sera, mais la soirée, la serata. Comme dans passer la soirée, passare la serata. C'est la même chose avec matin et matinée. Comment dit-on matin? Mattina. Mattina. Mm-hmm. Mais si on veut dire la matinée, on emploie? La mattinata. La mattinata, absolument. Donc, comment dit-on passer la matinée? Passare la mattinata. Passare la mattinata, c'est ça. Jour se dit giorno. Mais là encore, il y a un mot spécifique pour la journée, qui est? La giornata. La giornata, oui. Alors, vous allez dire « j'aime beaucoup passer la journée ici ». Mot à mot, « il me plaît de passer ». Ah, merci. « Mi piace ». « J'aime beaucoup ».« Mi piace molto ». Oui, bien. « Mi piace molto » « passer la journée ici ». Mi piace molto passare la giornata qui. Bien. Mi piace molto passare la giornata qui. Autre chose sur les terminaisons. Les mots qui se terminent en ic. I-Q-U-E. Comme politique. Se terminent en ico. I-C-O en italien. Par exemple, économique donnerait. Economico? Oui, mais on insiste sur la syllabe qui précède la terminaison et non pas sur la terminaison elle-même. C'est le cas pour tous les mots qui se terminent en ico. Ah, economico? Economico. Et logique? Logico. Logico. Pratique? Pratico. Pratico. Oui. Comment diriez-vous ce n'est pas logique, mais c'est très pratique comme ça. Non è logico, ma è pratico così. Très pratique. Molto pratico. Bien. Non è logico, ma è molto pratico così. Comment dit-on philosophique? Philosophico. Philosophico, oui. Avec des F, là où on met des PH en français, car la combinaison de lettres PH n'existe pas en italien. De même d'ailleurs que TH, qui donne simplement T en italien. Comment diriez-vous astronomique? Astronomico. Astronomico. Et astrologique? Astrologico. Astrologico, oui. Comment diriez-vous la situation politique? La situazione politico. Vous avez mis un la devant situazione, ce qui est tout à fait correct. C'est un mot féminin, donc il faut aussi mettre l'adjectif qui va avec au féminin. L'adjectif, c'est Politica, la situazione politica. Cette fois-ci, vous avez bien mis l'adjectif au féminin, mais on dit politica. Insistez bien sur la syllabe qui précède la terminaison icoica. La situazione politica. Bien, la situazione politica. Et la situation économique? La situazione economica. La situazione economica. Comment diriez-vous, quelle impression avez-vous de la situation politique et économique en Italie? commencez wow. par quelle impression avez-vous? Quale ou che? Oui, l'un ou l'autre. Quale impressione a? De la situation politique et économique en Italie. Comment dit-on de là? De là? Della situazione politica e economica in Italia. Bien! Quale impressione ha della situazione politica e economica in Italia? Maintenant, vous allez dire je n'aime pas la situation politique en Italie. Non mi piace. On n'insiste pas sur la dernière syllabe? Non mi piace. Oui. La situazione politica in Italia. Bon, non mi piace la situazione politica in Italia.